Bonjour. Alors, suite du chapitre 5 sur l'industrie phonographique, la naissance des all-time records et le renforcement de la ségrégation musicale. En 1923, les compagnies à la suite de Hockey commencent à installer des studios d'enregistrement dans les villes du sud des États-Unis, principalement à la Nouvelle-Orléans, à Atlanta et à Dallas. L'idée de déplacer les studios dans le sud pour capter des musiciens locaux, qui sont attirés par le biais d'encarts annonçant les sessions d'enregistrement, est une démarche similaire à celle des producteurs des Foreign Records qui partaient en expédition à l'étranger. On attribue généralement ces nouvelles campagnes dans le sud au progrès technique de l'enregistrement. Alors, s'il est évident que pour l'enregistrement de disques aux normes de qualité des années 20, la possibilité n'existait pas auparavant, cette affirmation courante n'explique pas pourquoi les enregistrements de cylindres exécutés aux quatre coins du globe dès 1900 n'ont pas eu lieu dans le cadre beaucoup plus accessible des villes du sud des États-Unis. C'est en fait l'intérêt pour les musiques du sud exécutées par des sudistes qui n'existaient pas encore. Alors, ces efforts répondent d'abord à une logique commerciale, toujours, hein, on est en train de faire l'histoire d'une industrie, et à la nécessité d'étendre le marché domestique. Depuis au moins 1916, les compagnies réalisent que les populations rurales du Sud achètent des disques. Voici un extrait d'un article du Talking Machine World de 1919. Le New Edison devient de plus en plus populaire, même dans les petites villes du Sud, et comme les ruraux ont l'argent pour acheter presque tout ce qu'ils désirent, cet instrument de grande qualité se vend facilement à Atlanta et dans les centres urbains plus petits. Le même phénomène est remarqué pour plusieurs états du Sud, notamment en Géorgie, en Alabama, dans le Tennessee, en Caroline du Nord et du Sud, en Floride et au Texas. Selon les compagnies, la prohibition exacerbe le besoin de divertissement des populations rurales et contribue notablement au succès du phonographe. Quelques années plus tard, le succès de la radio, dont la première station dans le sud est créée par le Atlanta Journal en mars 1922, viendra confirmer l'importance donc, de ce nouveau marché du sud rural. La pratique très répandue du crédit à la consommation donne également l'impression aux compagnies que le Sud est très prospère et que les fermiers ont beaucoup d'argent et qu'ils le dépensent sans réserve. Le succès des ventes dans le Sud n'explique cependant pas à lui seul l'entreprise d'enregistrement sur place de musiciens locaux. Après tout, les fermiers sudistes achètent déjà des disques avant que les compagnies installent des studios près de chez eux. D'où vient alors cette idée, ce besoin, d'enregistrer des musiciens issus de milieux ruraux et locaux, donc sur place, pratique qui est en fait à l'origine de la création de la catégorie des all-time records. Les imageries bucoliques et nostalgiques du vieux sud des plantations, le sud des Appalaches et depuis la fin du 19e siècle du Far West sont déjà largement utilisées et diffusées dans les musiques populaires comme savantes. Les œuvres du chansonnier Stephen Foster, qu'il compose dans les années 1850 et qui sont reprises par de nombreux musiciens, dépeignent souvent un sud esclavagiste rupestre et idéalisé. On a aussi vu, auparavant, dans le tout premier chapitre, l'attrait exercé par ces imaginaires chez les compositeurs romantiques et post-romantiques. Les représentations caricaturales, voire comiques, du noir des plantations, du mountaineer noble et arriéré, ou bien des héroïques cow-boys et guerriers indiens, sont également monnaie courante dans les novelties du début du XXe siècle, donc notamment dans les coon songs et les chansons du Tin Pan Alley. Les musiques diffusant ces représentations stéréotypées ne sont pas destinées spécifiquement aux populations rurales, mais à un public extérieur friand de ces ailleurs exotiques de leur propre pays. Jusque dans les années 20, de nombreux artistes, surtout blancs mais aussi noirs, font carrière en enregistrant des chants sudistes qui sont promus comme authentiques, bien que ni les chansons ni les interprètes ne soient nécessairement originaires des régions auxquelles ils sont associés. En 1918-1919, par exemple, le concert singer et Authority on the History of American Folk Songs, Bentley Bowl, enregistre une dizaine de morceaux promus comme des folk songs, dont deux chants de cow-boy issus de la collection de John Lomax. La valeur authentique de ces interprétations n'est pas ébranlée par le fait que Bentley Bowl ne soit pas lui-même un cow-boy. L'authenticité des enregistrements de Bentley Ball réside en fait dans le caractère prétendument vernaculaire de ces folk songs, qui n'auraient jamais été diffusés par les mass médias auparavant. Avant les années 20, donc, l'idée d'une musique rurale authentique ne fonctionne pas encore exclusivement sur le mode d'une correspondance entre une musique d'un terroir et un musicien de ce même terroir qui la joue. Cependant, selon l'historien Karl Armstrong Miller, en grande partie à cause de l'influence des travaux des folkloristes, et incontestablement suite au succès populaire remporté par les Cowboy Songs de Lomax, le Sud, aussi bien celui des plantations que celui des montagnes, est de plus en plus promu par l'industrie du disque comme le berceau des musiques américaines, noire comme blanche. L'authenticité que confère l'origine sudiste d'un morceau va progressivement s'appliquer aussi aux musiciens. L'évolution du catalogue des Race Records témoigne déjà de ce glissement. À côté des chanteuses de blues à l'apparence urbaine, accompagnées d'orchestres ou de piano, émergent de nouveaux musiciens de blues, souvent des hommes, à l'allure plus rustique et enregistrant en solo avec une simple guitare et éventuellement un harmonica. En 1921, la musique du Norfolk Jazz Quartet, une des grandes stars hockey des Race Records, était promue comme reflétant, je le cite, « the original Negro folk songs du Sud », tout en ajoutant « plus d'harmonie et des phrases originaux et jazzées à cette mélodie monotone ». Là, je cite l'extrait d'un article publicitaire sur le Norfolk Jazz Quartet. Plus loin, il est écrit « c'est un appel aux Blancs à ressusciter la Negro minstrelsy. C'est la bonne vieille folk musique de ce pays ». 6 ans plus tard, les éléments musicaux perçus comme modernes et urbains sont gommés des définitions de la musique noire et remplacés par les liens avec le vieux sud des plantations et l'idée d'une musique sincère, expressive, intemporelle et primitive. À l'instar de l'image alors en cours de construction par les chercheurs de la Southern Negro Folk Music. Donc voici encore un extrait d'un article promotionnel du label OK. La détresse de leurs ancêtres sonne encore suprême. C'est le blues qu'il leur faut, la passion rongeante de l'angoisse. Gémisseurs et hurleurs, c'est comme ça que l'on désigne leurs chanteurs. Ce sont ces musiciens de blues plus authentiques que les chercheurs de talent des maisons de disques partent enregistrer dans le Sud. Les producteurs et les marchands acceptent alors comme une évidence que le Sud est la région où les Race Records se vendent le mieux. OK est la première compagnie à installer un studio à Atlanta pour y enregistrer des Noirs. Ralph Peer, qui avait participé à l'enregistrement du Crazy Blues de Mamie Smith en 1920, est le plus célèbre de ses talent scouts donc du label OK. On lui attribue le premier enregistrement de musique all-time et donc la découverte et l'invention de ce nouveau marché. L'histoire de sa découverte en 1923 de Fiddlin' John Carson, considéré comme le premier fiddler all-time jamais enregistré, témoigne que, comme pour les Foreign Records, la découverte du marché des All-Time Records doit énormément à l'expertise des vendeurs locaux. Dans le cas de Ralph Peer et de Fiddlin' John Carson, c'est le vendeur de disques d'Atlanta, Paul Brockman, qui insiste auprès de Peer pour qu'il enregistre Carson, lui promettant un grand succès commercial auprès de sa clientèle. Carson est en effet une célébrité locale, il a remporté de nombreux concours de violon et il a joué pour la radio plusieurs reprises. Ralph Peer est au début assez réticent, car la musique de Carson ne lui plaît pas du tout. Mais il suit finalement les conseils du vendeur de disques, Paul Brockman. Carson remporte immédiatement un grand succès, à l'étonnement de Peer et puis de la compagnie, OK. Il y a même des fans qui écrivent au label pour réclamer une photographie signée du musicien. OK lance alors une campagne promotionnelle des enregistrements de Carson qui va être axée sur son image d'authentique violonneux rural. L'été 1924, la compagnie érige en exemple pour ses diffuseurs une boutique de disques d'une petite ville au nord de Dallas qui a consacré toute sa vitrine à une mise en scène censée encourager les clients à acheter donc l'enregistrement de Fiddlin' John Carson intitulé, donc dont le chant est intitulé « The Little Old Log Cabin in the Lane ». Dans la vitrine, les vendeurs ont exposé une petite miniature d'une maisonnette en bois, avec des arbres et une grange branlante miniature autour. Et cette scène est censée représenter la chanson. Je cite là l'extrait de l'article qui rend compte donc de cette vitrine de magasin de disques. Donc la scène est censée intriguer l'imagination et rendre le morceau désirable. On va écouter un petit bout du coup de ce morceau, donc The Little Old Log Cabin in the Lane, donc par Feelin' John Carson. Dans les mois qui suivent donc ce gros succès de Feelin' John Carson, plusieurs compagnies vont enregistrer à leur tour des musiciens dans le sud. Alors parmi les premiers musiciens donc, qui vont être qualifiés de musiciens all-time à être enregistrés, on trouve Henry Winter, Riley Puckett et Jit Tanner, George Renaud, The Blind Singer of the Smoky Mountains, Samantha Bumgarner et Eva Davis, donc les premières femmes enregistrées dans ce style, ou encore Ernest Thompson. Ces premiers enregistrements sortis dans les séries générales se vendent très bien dans tout le pays. Les maisons de disques créent dans la foulée des séries donc spécialisées pour leurs enregistrements suivants. Elles considèrent qu'il s'agit d'une nouvelle mode qui surpasserait celle de la popular jazz music. Comme l'écrit un article du Talking Machine World en 1924, la vogue du jazz a fait son temps, et ce qui est demandé maintenant est de la musique avec de l'émotion. Donc c'est un article hein, qui parle de musical time en fait. La trajectoire de la carrière du chanteur texan Vernon Dallard témoigne de cette nouvelle inclinaison à produire des musiques rurales jouées dans un style jugé plus traditionnel, tout en montrant que cet aspect traditionnel est en fait parfois très fabriqué, bien que Dallard ait en effet été cow-boy pendant son adolescence. Donc entre 1916 et 1923, ce chanteur, qui a été formé à la musique savante, enregistrait tout type de novelties, hein, donc les tubes du Tin Pan Alley, des Coon Songs et aussi des Negro Dialect Songs qui étaient classés dans le catalogue général. Surtout, ce chanteur mineur, hein, dépourvu de contrat permanent avec une compagnie, est en fait un professionnel du phonographe puisque l'une de ses spécialités, ce sont les Edison Tone Test Tours. Donc ce sont des tournées où il se produit en étant caché derrière un rideau. Un phonographe remplace progressivement la voix du chanteur. Et donc Dallard se distingue par sa capacité à réussir à imiter sa propre voix telle que reproduite par les limites de l'enregistrement, de façon à ce que le public ne réalise pas la différence et l'impression que donc, l'enregistrement est parfaitement fidèle à l'interprétation de Dallard. Dans les débuts des années 20, la carrière de Dallard vivote. Il souffre de la petite crise du disque de 1921. Et de plus, avec la naissance des Race Records, les imitations de chants noirs par des musiciens blancs ne se vendent plus, et c'était une de ses spécialités. Il va donc se réinventer comme chanteur all-time. En 1924, puis plusieurs fois par la suite, il va enregistrer notamment la ballade The Wreck of the Thousand Old 97, c'est l'histoire d'un accident de train, qui se vend à plusieurs millions d'exemplaires. Il grave ensuite de nombreux titres, entre autres pour la catégorie Old Familiar Tunes de Columbia, tout en continuant à enregistrer des chansons de Tin Pan Alley. Donc le plus célèbre des chanteurs all-time des années 20, est donc un démonstrateur de phonographe, un ténor formé à la musique savante, ancien cow-boy qui a fait carrière à New York, et qui donc s'est engouffré dans la vogue all-time parce que son désir de devenir un chanteur d'opéra n'avait pas abouti, et que ses imitations de chants de noirs ne se vendaient plus après l'émergence des Race Records. Pour le plaisir, voici un petit extrait donc, d'un des enregistrements de Vernon Dallard de la chanson Wrecked of the Old 97. Celle-ci date de 1926. Mmh. Monroe, Virginia, saying, Pete, you're way behind time. This is not 38, but it's old 97. You must put her in, set her on time. He looks round, says to his black greased fireman, just shove on in a little more coal. And when we cross that wide oak mountain, you can watch old 97 roll. Les musiciens blancs de old time, tout comme les chanteurs noirs de blues, sont renvoyés dans un passé rural idéalisé par les promoteurs et par les agents qui font la publicité de leurs enregistrements. Leur musique serait authentique car elle ne serait pas influencée par les musiques populaires venues du Nord. Elle serait à la fois locale et ancienne. Leurs chansons, et là je cite un article dédié aux enregistrements de musique old time de Columbia de 1924, donc ces chansons sont connues de tous les Américains en tant que part de leur patrimoine national, jouées de manière à provoquer un sentiment agréable de réminiscence. L'un des artistes all-time de Columbia est présenté en 1924 comme des plus authentiques, car il appartient à l'histoire de la nation américaine. Il s'agit du colonel John A. Patty, qui est un vétéran de la guerre de sécession, ayant participé à la bataille de Gettysburg et ayant joué de nombreux morceaux all-time pour le président Lincoln à la Maison Blanche. C'est ainsi qu'il est promu. Le chanteur de Caroline du Nord, Henry Winter, est quant à lui indubitablement un vrai rural, ainsi qu'en témoigne son aversion pour la ville de New York. Et là, il y a un rapport qui écrit que, bien qu'il ait surmonté sa timidité dans une certaine mesure, il est toujours opposé à ce qu'on pourrait appeler « voir la ville ». Avec les All Time Records, l'industrie du disque rejoint donc les critères d'authenticité des folkloristes. La musique All Time est jugée authentique car elle est le résultat d'un lien essentialiste entre une musique, une population et un terroir. Les All Time Records sont également perçus, contrairement aux Race Records, comme représentant le patrimoine national. Leur séparation dans une catégorie distincte n'est donc pas aussi évidente que pour les Race Records, dont la distinction est construite sur une dimension raciale. Les difficultés rencontrées par les labels pour créer une étiquette stable pour désigner cette catégorie en témoignent. Rien que pour l'année 1924, 9 expressions différentes coexistent pour désigner les séries all-time, qui seront à la fin des années 20 finalement désignées comme hillbilly. Alors par ordre chronologique, donc les différentes catégories utilisées en 1924, Special Records for Southern States, donc enregistrements spéciaux pour les États du Sud, Fiddling Records, enregistrement de violon, Fiddle, Banjo and Guitar, Square Dance Records, Special Southern Records, entre parenthèses Fiddling, All Time Records, Southern Records, Southern Records slash Vocal, Fiddling et Hill Country Music. Donc ces premiers termes hétéroclites renvoient les uns aux orchestrations, mention du banjo, du violon, de la guitare, un autre a une fonction, Square Dance Records, donc pour les danses, les Square Dance, d'autres au sud et aux montagnes, et un dernier à l'ancienneté supposée des morceaux, donc All Time Records. Un problème majeur que pose aux maisons de disques ce nouveau marché des musiques rurales, c'est la nécessité d'une séparation franche et étanche entre race music noire et musique All Time blanche. Cela afin de ne pas froisser les acheteurs blancs, en particulier ceux du sud ségrégué, et d'éviter aux musiciens all-time blancs d'être pris pour noirs. Les disques ne sont pas encore pourvus de pochettes illustrées à cette époque, pouvant révéler potentiellement la couleur de peau des musiciens. En 1928, un employé de Columbia, Frank Welker, celui qui a découvert Bessie Smith et Samantha Bumgarner, sort un morceau de Laughing and Crying Blues, interprété par les Allen Brothers, un duo du Tennessee, et il le sort dans la catégorie Race Records. Il y a une campagne publicitaire qui est mise en place pour promouvoir ce morceau, elle est notamment diffusée dans le journal Chicago Defender, donc un journal adressé aux populations noires de Chicago, avec un dessin caricatural représentant deux musiciens noirs identiques. En découvrant cette publicité, les frères Allen menacent Columbia de lui faire un procès. Il se trouve qu'en fait, les frères Allen sont blancs et cherchent alors à étendre leur carrière. Et ce que l'un d'entre eux va écrire plus tard, à propos de cette anecdote, c'est que « Nous essayons d'entrer dans le vaudeville à l'époque, ça nous aurait porté préjudice dans l'obtention de dates si les gens qui ne nous connaissaient pas pensaient que nous étions noirs. » Donc cette anecdote montre que, d'une part, il est très difficile, y compris pour les professionnels de l'industrie comme Walker, de distinguer la couleur de peau d'un musicien sur la seule base de sa musique, et d'autre part que, malgré ce constat, il est indispensable de construire une distinction raciale associant musique blanche à musicien blanc et musique noire à musicien noir. Les agents de l'industrie agissent cette distinction en manipulant les répertoires musicaux des artistes noirs. Ces derniers, bien qu'ils soient par exemple très nombreux à jouer de la musique identifiée comme « all-time » ou « hillbilly », il y a par exemple beaucoup de fiddlers noirs à l'époque, en fait ils sont très rarement enregistrés jouant cette musique. Donc on va écouter un extrait de The Laughing and Crying Blues, donc des Allen Brothers, donc qui a été accidentellement classé dans les Race Records, et ensuite on va conclure. Ainsi, donc, les musiciens blancs, hein, à l'instar des Allen Brothers, ont quand même éventuellement la possibilité d'enregistrer des musiques qui sonnent potentiellement noires. C'est pas évident de savoir si c'est de la musique jouée par des blancs ou jouée par des noirs. Tant que c'est possible, mais il faut absolument que leur race soit clairement spécifiée, ce qui va du coup en faire de la musique blanche. Ils sont en revanche souvent découragés de jouer de la musique qui va être identifiée plutôt comme urbaine. Donc, c'est les musiciens du Sud. C'est le cas par exemple du groupe de Jit Tanner, les Skillet Lickers, qui jouaient de la musique très influencée par le jazz et que Frank Welker a poussé à se spécialiser dans la musique all-time pour maintenir son image de groupe sudiste du cru, quoi. Finalement, l'histoire des Race et All Time Records montre l'influence grandissante dans l'industrie du disque de deux nouveaux critères d'authenticité, déjà utilisés par les folkloristes pour définir ce qu'est la folk musique américaine. D'une part, l'idée d'un lien naturel entre musique, peuple et terroir, et d'autre part, en fait, qui en découle, hein, celle qui en découlant, qui serait l'idée d'une pureté raciale de la musique. Donc, lien naturel entre musique, peuple et terroir et pureté raciale de la musique. La ségrégation musicale, l'idée de musique noire et de musique blanche, est une construction qui prend véritablement forme dans les années 20 et qui va se renforcer dans les années suivantes, entre autres à cause du caractère performatif des catégories musicales produites par l'industrie. Au fil des années 20, la race music et la all-time music vont être promues de plus en plus systématiquement par les labels comme de la folk music, c'est-à-dire comme de musique locale jouée par des musiciens locaux, supposés ancrés dans une tradition ancestrale plus permanente et sincère que les tubes du moment, quoi, que les novelties. Ces musiques du Sud sont ainsi progressivement distinguées des musiques de masse. Le développement de ce marché commercial pour la folk music profite en fait également aux folkloristes, dont les publications seront de moins en moins limitées aux cercles savants ou académiques, et bénéficieront même pour certaines d'un succès populaire assez lucratif. Les folkloristes vont donc également s'intéresser à la manière dont les musiques de masse les novelties modernes et divertissantes vont influencer la folk music, ou au contraire, ils vont utiliser cette distinction pour renforcer l'idée de musique folk authentique et en fait justifier leur expertise. À sa création en 1928, les fonds de l'Archive of American Folk Songs de la Bibliothèque du Congrès contiendront plusieurs enregistrements commerciaux de ces catégories, donc de Race Records et de All Time Records. Et le fait qu'une institution publique considère alors ces deux styles comme faisant partie du patrimoine national, musical national, témoigne en fait de l'efficacité des discours promotionnels de l'industrie du disque et de son rôle aussi donc dans l'invention de l'American Folk Music. Reste à comprendre comment la folk music des Noirs, hein, la Negro Folk Music, devient de l'American Folk Music, alors que jusque dans les années 20, cette idée fait l'objet de vifs débats. On l'a vu hein, chez les compositeurs comme chez les folkloristes littéraires. Ça sera l'objet de la troisième et la quatrième et dernière partie de ce chapitre. Je vous laisse avec un morceau donc, des deux premières femmes à avoir enregistré de la musique old time, Samantha Bloomgarner et Eva Davis, qui interprètent un morceau qui est assez populaire, Cindy in the Meadow, et donc l'enregistrement date de 1924. À la prochaine! Thank you.